sa belle, mais t'inquiète pas, je l'aurai. Elle a mis les talons, elle a les cheveux colorés. Je lui ai offert un verre, elle m'a dit jamais tu mourras. Tu seras amoureux de moi, de jalousie tu mourras. Mignonne, elle s'en fout de ton billet de 500. Elle attire la crapulerie dans la tête de 500. Elle m'a fait un clin d'œil, mon cœur a fait l'étincelle. Madame, madame, moi j'endors tout le temps seul. J'pense à toi sur macadam, j'pense à toi sur tum tum. J't'appelle, tu réponds pas, j'vais effacer ton number. Madame sans bon, j'ai encore son odeur. C'est bien beau la carrosse, il faut d'abord ce qu'il y a dans le moteur. Madame, c'est celle qui m'en veut, j'suis obligé de faire le mec. Paraît qu'un poteau l'a branché d'entrée, elle a fait la mac. J'crois qu'elle s'est attachée à moi, elle veut pas l'admettre. Madame rigole un peu plus à mes blagues. Tu penses à faire le tour du check, madame pense à faire le tour du monde. Nos bons moments sont courts, je sais. J'essaye d'y faire la cour, j'essaye. Madame, elle est belle, madame. Elle me dit qu'elle pense à moi, elle m'envoie, je demande trois lettres. Madame, c'est plus fort qu'elle, madame. Puis moi je te suis, c'est un amour passionnel. Madame, elle est belle, madame. Elle me dit qu'elle pense à moi, elle m'envoie, je demande trois lettres. Madame, c'est plus fort qu'elle, madame. Puis moi je te suis, c'est un amour passionnel. Madame veut qu'on sorte faire vida loca. Bah les coups de notre sort, on vide la vodka. Sors la fraîche comme si on faisait la coca. On baisse tous les baisses, tous tous par la boca. Tu peux briser notre cœur, pas notre honneur. J'aime la misère, on peut faire ton bonheur. Fraîcheur intense, les autres en bave. On fait l'amour quand on danse, les autres en bave. Bras écartés sur la piste, on est quartier. Nuit à 5000, clou de chez Cartier. Trop cher, trop rare pour nous acheter. Amour est une folie, on va finir en HP. Pour elle, je vis, je meurs. Pour moi, elle vit, elle meurt. On se souvient plus de toi, on est Alzheimer. Dans ma besoin, je la console, je la consomme. Quand on dans la boque, tout de la console. Tu penses à faire le tour du check, madame pense à faire le tour du monde. Nos bons moments sont courts, je sais. J'essaye d'y faire la cour, j'essaye. Madame, elle est belle, madame. Elle me dit qu'elle pense à moi, elle m'envoie, je demande trois lettres. Madame, c'est plus fort qu'elle, madame. Puis moi, je te suis, c'est un amour passionnel. Madame, elle est belle, madame. Elle me dit qu'elle pense à moi, elle m'envoie, je demande trois lettres. Madame, c'est plus fort qu'elle, madame. Puis moi, je te suis, c'est un amour passionnel. C'est plus des sentiments que je ressens. Dans mon délire, je fume et je l'appelle le sang. Madame est validée à 100%. Faut que je la voie, là, c'est pressant. Madame bouge, elle écoute, se sent même sous la douche. N'essaie même pas, elle va te mettre sur la touche. Y'a que moi qui lui parle, y'a que moi qui la touche. Oh là là, c'est quoi ce genre de fou, j'en peux plus, oh là là. J'te vois même quand je dors, j'en peux plus, oh là là. N'écoute pas ce qu'il dit sur moi, c'est que t'es tralala. Tant qu'elle a du cœur, on s'en fout de ses cololo. Elle est belle, pas maquillée, c'est que la manana. Tueuse professionnelle, colombiana. Et combien y'en a? Tueuse professionnelle, colombiana. Tu penses à faire le tour du check, madame pense à faire le tour du monde. Nos bons moments sont courts, je sais. J'essaye d'y faire la cour, j'essaye. Madame, elle est belle, madame. Elle me